Hein? Voilà le Porto. Je crois, Gérald, que vous trouverez mon Porto assez bon. De fait, Finchley m'a dit que c'était exactement le même que celui réservé à Sir George. Alors, il doit être excellent. Mon père se flatte d'être connaisseur. Moi, j'avoue humblement ne pas pouvoir en dire autant. Oh, mais il ne manquerait plus que ça. Mais ça ne me plairait pas du tout, Gérald, que vous vous y connaissiez au Porto. Comme tous ces vieux messieurs apoplectiques. Oh, là, je ne suis pas un vieux monsieur apoplectique, moi. Non, pas encore, mais aussi, n'est-ce pas, tu ne t'y connais guère au Porto. Oh, pense un peu, Sybille. Ce soir n'est pas un soir tout à fait comme les autres. Mais oui, maman, il faut absolument que tu boives à notre santé. Oui, allez, maman. Bon, je me laisse faire. Edna, pour le café, je vous servirai. Vous le servirez au salon, n'est-ce pas? Bien, madame. Ah, c'est bien agréable d'être tous là comme ça, oui. Et je dois dire, Sybille, que le dîner était de premier ordre. Tu pourras le dire de ma part à Mary. Ah oui, tout était réellement excellent. Voyons, John. Ce n'est pas au maître de maison de dire des choses pareilles. Bon, je traite Gérald comme quelqu'un de la famille. Je suis sûr qu'il n'y voit pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Attention, Gérald. Essayez un peu d'y voir un inconvénient. Alors, je m'en garderai bien. La vérité, je désire tout particulièrement devenir quelqu'un de la famille. Non, vous le savez bien. Mais oui, mais... S'il n'avait tenu qu'à moi... Elle le sait. Oui, mais pourtant, l'été dernier, quand vous avez disparu... Je me suis demandé si vous le désiriez tellement. Gladys, je vous ai déjà dit que l'été dernier, à la même époque, j'avais... J'avais tellement de travail à l'usine que oui, c'était... Oui, c'est là l'explication que vous m'avez donnée, mère. Allons, allons, Gladys, ne le taquine pas. Quand tu seras mariée, tu sauras qu'un homme qui a une grosse situation doit consacrer la majeure partie de son temps à ses affaires. Il faudra bien que tu te fasses à cette idée, comme je m'y suis faite moi-même. Je ne crois pas que je m'y habituerai jamais. En tout cas, faites attention. Je vous le promets. Bon, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je sais pas, non. Mais soudain, j'ai eu envie de rire comme ça. Ah. Eric, tu es pas... Oh. Voyons, Gladys. Tu n'as pas honte d'employer des expressions aussi vulgaires? Vraiment, le vocabulaire des jeunes filles d'aujourd'hui... Signe avec le vocabulaire. Mais arrête de faire l'idiot. Allons, allons. Taisez-vous tous les deux. John, je croyais que tu voulais porter un toast. Oh, mais je n'ai nullement renoncé à cette idée. Je crois, Gérald, que vous préférez comme moi ce dîner en petit comité à un souper avec grand tralala. Néanmoins, je regrette que votre père, que Sir George et Lady Croft ne soient pas ici avec nous, mais ils sont à l'étranger. Et comme je vous l'ai dit, ils m'ont envoyé un télégramme très aimable. Un télégramme on ne peut plus aimable. Et je ne regrette donc pas que nous soyons seulement entre nous, mais... Personnellement, je trouve ça beaucoup mieux. Moi aussi. Oui, moi aussi. Non, je dois avouer pourtant qu'il est plus facile de parler devant une nombreuse assemblée. Bon, ben alors ne nous fais pas de discours, papa, et contentons-nous de boire à leur santé. Non. Ce soir est un des plus heureux de ma vie. Et j'espère, Eric, que quand tu auras une fille, tu comprendras pourquoi. Gérald, je vous parle en toute franchise. Et je ne vous cache pas que vos fiançailles avec Gladys ont pour moi une très grande importance. Oui, je suis sûr que ma fille vous rendra heureux et que vous la rendrez heureuse. Vous êtes exactement le gendre que j'ai toujours souhaité. Votre père et moi sommes des concurrents amicaux, bien que Croft Limited soit une firme à la fois plus ancienne et plus importante que Burling & Company, mais maintenant vous nous avez rapprochés. Et nous pouvons peut-être envisager le moment où Croft et Burling ne seront plus des concurrents, mais travailleront la main dans la main pour obtenir des prix de revient plus bas et des prix de vente plus élevés. Bravo. Non, je crois que mon père ne pourrait qu'être d'accord avec un tel programme. Voyons, John, je ne crois pas que le moment soit bien choisi pour parler affaires. Je suis tout à fait de cet avis. Oui, moi aussi, bien entendu. Non, je faisais allusion à ça en passant. Ce que je voulais dire, c'est que Gladys a beaucoup de chance, et Gerald aussi. Croyez bien que j'en suis convaincu. Et je vous souhaite à l'un comme à l'autre tout ce que la vie peut vous apporter de meilleur. Oui, Gérald. Oui, ma chérie. Toutes mes félicitations et mes meilleurs voeux. Merci, Mrs. Burling. Merci, Mr. Burling. Tous mes souhaits, vous deux. Elle a parfois un fichu caractère, mais dans le fond, c'est une bonne fille. Idiot! Je ne peux tout de même pas me porter un toast à moi-même, alors quand est-ce que je vais boire? Vous pouvez boire à ma santé, Gladys. Non, Gérald. Je bois à nous deux. Et moi aussi, je bois à nous deux. Et j'espère que je saurai vous rendre aussi heureuse que vous le méritez. Oh, attention, Gérald, vous allez me faire pleurer. Ah, alors j'espère que ceci séchera peut-être vos larmes. Oh, Gérald, celle dont vous m'aviez parlé. Oui. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Maman, maman, mais regarde, n'est-elle pas magnifique? Oh, le fait est que cette bague est tout à fait ravissante. Bravo, Gérald, vous avez bien choisi votre moment. Bon, il ne s'est pas fichu de toi, ma vieille. Oh, merci, Gérald. Maintenant, je me sens vraiment fiancée. Ah, il était temps, ma chérie. Et tâche de ne pas la perdre. La perdre, mais je ne la quitterai jamais. Bon, John, si tu n'as plus rien à dire, je crois que Gladys et moi, nous allons vous laisser en train. Je voudrais seulement ajouter ceci. Tu m'écoutes, Gladys? Après tout, ça te concerne aussi et je ne fais pas si souvent de discours. Pardon, papa, mais je t'écoutais, tu sais. Vous allez fonder un foyer à un très bon moment. Oui, un très bon moment et qui ne tardera pas à devenir meilleur encore. Le mois dernier, parce que les mineurs se sont mis en grève, des tas de gens, des tas d'oiseaux de mauvaise augure ont commencé à parler de la possibilité de troubles sociaux dans un proche avenir. Ne vous inquiétez pas, le plus grave est passé. Nous commençons enfin, nous autres, patrons, à nous unir pour que nos intérêts et ceux du capital soient convenablement défendus. Et je ne crains pas de vous annoncer que nous allons entrer dans une ère de prospérité qui ira toujours croissant. Je crois que vous avez absolument raison. Oui, mais la guerre, on en parle pas mal de la guerre. Oh, quelle blague. Les Allemands ne veulent pas la guerre. Personne ne veut la guerre, personne. À part peut-être quelques peuplades balkaniques, n'a demi-civilisé. Il n'y aura pas la guerre. Pourquoi? Parce que de nos jours, l'enjeu est trop élevé. De nos jours, dans une guerre, il y a tout à perdre et rien à gagner. Ah ben oui, c'est non, bien, non, mais... non, laisse-moi parler, Eric. Tu as encore beaucoup à apprendre. Je dis qu'il n'y aura pas la guerre, pas le moindre risque de guerre, parce que le monde évolue très rapidement. Pensez aux immenses progrès que nous réalisons chaque jour dans tous les domaines. Non, écoutez-moi, vous trois, les jeunes, et rappelez-vous ce que je vais vous dire. Dans 20 ou 30 ans d'ici, disons 1940, vous donnerez peut-être un dîner semblable à celui-ci pour les fiançailles de votre fille ou de votre fils. Eh bien, c'est moi qui vous le dis, à ce moment-là, vous vivrez dans un monde qui aura oublié depuis longtemps tous ces conflits entre le capital et la main-d'œuvre, tous ces absurdes bruits de guerre, la paix, la prospérité, le progrès, régnant partout, sauf en Russie, bien entendu, qui sera toujours un pays rétrograde. Et moi, je ne joue pas les prophètes. Je suis un industriel. Je sais de quoi je parle. Et je ne me trompe pas. mais oui, John. Allons, Gladys. Et ne retiens pas Gérald trop longtemps ici. Veux-tu venir un instant, Eric? Cigare? Non, merci, je n'apprécie guère le cigare. Ah, vous ne savez pas de quoi vous priver. Rien de tel qu'un bon cigare. Servez-vous, emportons. Ah. Boum. Bien, merci. Il y a une chose dont je voudrais vous parler tout à fait confidentiellement pendant que nous sommes seuls. J'ai vaguement l'impression que votre mère, Lady Croft, tout en n'ayant rien à redire à ma fille, a le sentiment que vous auriez pu faire un plus beau mariage. Oh. Non, j'entends socialement plus beau. Ah non, je vous assure. Non, inutile de protester, Gérald. Il ne faut pas lui en vouloir. Lady Croft appartient à l'une des plus vieilles familles de la région, aristocratie terrienne, et ainsi de suite. Sa réaction est donc tout à fait naturelle. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai une certaine chance de figurer dans la prochaine promotion. Vraiment? Oui. Bon, simplement au titre de chevalier, bien entendu. Mes félicitations. Merci. Oui. Elles sont un peu prématurées. Alors ne parlez de cela à personne. Oui, enfin, on m'a laissé espérer la chose d'un ou deux côtés. Vous comprenez, il y a 2 ans, quand Sa Majesté est venue à Bromley, j'étais maire. Oui, et l'on m'a toujours considéré politiquement comme quelqu'un de sûr. Alors, enfin bref, quoi. Je pense que j'ai une certaine chance de ne plus être simplement Mr. Burling. À condition, bien entendu, que nous nous conduisions bien, que nous n'ayons pas d'ennui avec la police et que nous ne soyons pas mêlés à aucun affreux scandale, n'est-ce pas? Non, je n'ai guère d'inquiétude, vous m'avez l'air d'une famille plutôt convenable, non? Je crois qu'il y a pire que nous, n'est-ce pas? Alors je pense que vous pouvez accepter dès maintenant Mes félicitations. Merci, merci. Et nous veillerons à ne pas être mêlés dans un scandale quelconque, du moins dans les mois qui viennent. De quoi riez-vous? Vous en êtes déjà ou bien bonne? Porto, c'est pas de refus. Maman demande que nous ne tardions pas trop à aller les rejoindre au salon. Mais je ne crois pas qu'il faille nous presser. Merci. Je les ai laissées toutes les deux en train de parler robe. À entendre Gladys, on jurerait qu'elle n'a rien à se mettre sur le dos. Enfin, est-ce que nous passons notre temps à parler complet, nous autres? Ah oui, il faut comprendre, Eric, que pour les femmes, les robes signifient quelque chose de plus, n'est-ce pas? C'est une espèce de symbole de leur rang social, hein? de leur standing. Bah, très juste! Ah oui, oui, je me rappelle. Eh bien, qu'est-ce que tu te rappelles? Rien. Bon, rien. Nous sommes en plein mystère, non? On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les jeunes gens d'aujourd'hui. C'est sans doute parce qu'ils ont plus de loisirs et d'argent que ceux de ma génération. Non, je n'en doute pas, mais peut-être vous amusiez-vous mieux que nous ou Eric, non? Ah, c'est bien possible. Mais il y avait une différence. Je ne voudrais pas de nouveau vous faire un sermon, jeunes gens, mais il y a une chose que beaucoup d'entre vous semblent oublier maintenant, où tout est devenu tellement plus facile, c'est qu'au fond, rien n'est changé. Mais de nos jours, comme jadis, un homme digne de ce nom doit penser avant tout à lui-même, et veiller avant tout à ses intérêts, et bien entendu à ceux de sa famille, s'il en a. Et s'il agit ainsi, il ne risque guère d'avoir d'ennui. Plus que jamais, c'est la vieille sagesse populaire qui a raison. Et c'est encore et toujours chacun pour soi, et Dieu pour tous. Tiens, on est sonné à la porte d'entrée. Ben, elle va ouvrir. Encore un. À Porto? Oh, Gérald, avant d'aller rejoindre au Sénat? Non. Je vous promets de ne plus vous donner de bons conseils. Oh, enfin, on peut dire que ce soir, tu ne nous as guère ménagé. Ah ben, l'occasion le réclamait. Et tu verras, Eric, quand tu auras mon âge, si tu n'essaieras pas toi aussi de faire... Il y a un inspecteur qui vous demande. Un inspecteur? Quel genre d'inspecteur? Un inspecteur de police. Ah. Il a dit son nom, inspecteur Ghoul. Je connais pas. Il désire me voir? Oui, monsieur. Il dit que c'est important. Ben, faites-le entrer ici. Je ne suis plus maire, mais je suis encore juge de paix. Alors, j'ai sans doute une signature quelconque à donner. À moins qu'Eric n'ait fait des siennes. Ça n'arrangerait pas nos affaires, n'est-ce pas? Ça oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Mais non, rien, une allusion à quelque chose dont nous avons parlé quand vous n'étiez pas là. Une plaisanterie, quoi. Eh ben, je ne la trouve pas très drôle. Oh, qu'est-ce que tu as? Rien. L'inspecteur Ghoul. Darling. Oui, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Un verre de Porto, un whisky? Non, merci, Mr. Burling. Je suis en service. Vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Oui, Mr. Burling, je viens tout juste d'être muté ici. Oui, c'est bien ce que je pensais. Oui, j'ai été conseiller municipal pendant plusieurs années et maire il y a 2 ans. Je suis encore juge de paix, donc je connais assez bien la police de Bromley. Et je me disais bien que c'était la première fois que je vous voyais. C'est effectivement la première fois. Mmh. Alors, que puis-je pour vous? Une question de service, sans doute? Un papier à signer? Non, Mr. Burling. Eh bien, de quoi s'agit-il? Si vous le permettez, Mr. Burling, je voudrais vous demander quelques renseignements. Mmh. Il y a 2 heures, une jeune femme est morte à l'hôpital de la ville. On l'y avait transportée dans l'après-midi, parce qu'elle avait avalé le contenu d'un flacon de chlorure de mercure. Bien entendu, cela lui avait brûlé tout l'estomac. Mon Dieu! Oui, elle a atrocement souffert. À l'hôpital, on a tout fait pour la sauver, mais en vain. Un suicide, naturellement. Oui, c'est une histoire navrante. Oui. Mais je ne vois pas ce qui vous amène ici. Moi, je ne suis que juge de paix. Et c'est l'affaire du coroner de déterminer à l'enquête s'il y a eu ou non fait l'au décès. Oh, tu sais, papa, maintenant qu'elle soit reconnue innocente ou coupable de sa propre mort. C'est la loi, Eric. Et elle est juste. Et je vous répète, inspecteur, que je ne vois pas. Je suis allé dans la chambre qu'occupait cette malheureuse et j'y ai trouvé une lettre et une sorte de journal. Comme beaucoup de jeunes femmes qui ont eu une vie un peu mouvementée, elle avait changé plusieurs fois de nom. Mais son premier, son vrai nom, c'était Eva Smith. Eva Smith. Vous la rappelez, Mr. Bowling? Non. J'ai pourtant l'impression d'avoir entendu ce nom quelque part, Eva Smith. Non, ça ne me dit absolument rien. Et je vous répète, inspecteur, que je ne vois pas en ce qui me concerne. Vous l'avez eu comme ouvrière à votre usine. Ah, c'est pour ça? Oh, ben vous savez, inspecteur, à mon usine, j'emploie plusieurs centaines de jeunes femmes, elles se renouvellent tout le temps. Eh oui, Mr. Bowling, mais cette jeune femme, cette Eva Smith, sortait un peu de l'ordinaire. Dans sa chambre, j'ai également trouvé une photo d'elle. Peut-être la mémoire vous reviendra-t-elle en la regardant. Inspecteur, y a-t-il une raison particulière pour m'empêcher de voir la photo de cette personne? C'est possible. Je dois dire que je suis incapable d'imaginer quelle peut être cette raison. Je dois dire, inspecteur, que je suis comme lui. C'est ainsi que j'aime travailler. Une seule personne et une seule piste à la fois. Sinon, c'est la pagaille. Eh bien, Sir Bowling, je pense que maintenant vous vous souvenez d'Eva Smith. Oui, en effet. Je m'en souviens. Elle travaillait chez moi, mais je l'ai congédiée. Quand l'as-tu congédiée? C'est pour ça qu'elle s'est suicidée? Eric, tu vas me faire le plaisir de te taire et de ne pas commencer à t'emballer. Cette fille nous a quittés il y a près de 2 ans. Oui. Elle a dû partir au début de l'automne 1910, n'est-ce pas? Oui, fin septembre 1910. Exact. Vous préféreriez peut-être que je m'en aille? Oh, votre présence ne me dérange nullement, Gérald. Et je suis sûr qu'elle ne vous dérange pas non plus, n'est-ce pas, inspecteur? Mais peut-être devais-je commencer par vous expliquer que monsieur est Gérald Croft, le fils de Sir George Croft. Vous savez, Croft Limited. Ah, Mr. Gérald Croft, n'est-ce pas? Oui, et soit dit en passant, nous venons de fêter en petit comité ses fiançailles avec ma fille. Ah, Monsieur Croft est fiancé avec Miss Burling. Oui, je vais me marier avec, du moins je l'espère. En ce cas, j'aime mieux que vous restiez. Ah. Ah, bon. Écoutez, inspecteur, il n'y a rien de mystérieux, de scandaleux dans cette histoire, du moins en ce qui me concerne. La chose est parfaitement claire, et comme elle s'est passée il y a près de 2 ans, elle n'a manifestement rien à voir avec le suicide de cette malheureuse, n'est-ce pas? Non, Mr. Bowling, là-dessus je ne puis être d'accord avec vous. Et pourquoi cela? Parce que ce qui lui est arrivé alors peut très bien avoir influé sur ce qui lui est arrivé ensuite, et ce qui lui est arrivé ensuite peut très bien l'avoir poussé au suicide. Un enchaînement de faits. Vous comprenez? Oh. Bien. Oui. Présenté ainsi, il y a quelque chose dans ce que vous dites. Mais néanmoins, je ne puis accepter aucune responsabilité. Si nous étions responsables de tout ce qui arrive à tous les gens à qui nous avons eu affaire, ce serait plutôt gênant, n'est-ce pas? Effectivement. Nous serions tous dans une position impossible. Ben voyons. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, on a déjà bien laissé à faire de s'occuper de soi-même, hein, chacun pour soi. Oui, il est une dernière là-dessus. De revenir sur quoi? Rien. Juste avant votre arrivée, j'ai donné un ou deux conseils à ces jeunes gens. Mais pour en venir à cette fille, à cette Eva Smith, oui, je me souviens d'elle à présent, oui. Une assez jolie fille, du reste. Elle venait de la campagne, je crois. Elle a travaillé dans un de nos ateliers pendant près d'un an. Une assez bonne ouvrière, du reste. Oui, son chef d'atelier m'avait dit qu'il était prêt à lui donner une sorte d'avancement, oui, le commandement d'un petit groupe d'ouvrières. Mais, à leur retour de vacances, au mois d'août, elles étaient toutes plus ou moins en état d'effervescence. Elles ont décidé de demander plus d'argent. Oui, elles se faisaient en moyenne par semaine 22 shillings 6, ce qui est plus ou moins ce que l'on paie dans notre industrie. Et elles ont décidé de demander une augmentation du taux horaire qui leur permit de se faire 25 shillings. Alors j'ai refusé, bien entendu. Pourquoi? Pardon? Vous avez bien dit pourquoi? Oui. Pourquoi lui avez-vous refusé? Écoutez, inspecteur, je ne pense pas que la manière dont je choisis de gérer mon affaire vous regarde en rien, n'est-ce pas? Il se pourrait pourtant que cela me regardât, vous savez. Votre ton me déplaît, inspecteur. C'est possible, mais vous m'avez posé une question. Vous m'en avez également posé une auparavant, une question tout à fait inutile, du reste. C'est mon métier de poser des questions. Eh bien, mon métier à moi, c'est de maintenir mes prix de revient le plus bas possible. Si j'avais cédé à cette demande d'un nouveau taux horaire, mes prix de revient auraient été augmentés de près de 12%. Cette explication vous satisfait-elle? J'ai donc refusé. Je dis qu'il ne pouvait en être question, que nous payions les salaires habituels, et que si ces salaires ne leur plaisaient pas, elles pouvaient aller travailler ailleurs. Nous vivons dans un pays libre, et je vais m'ajouter. Un pays libre? Ce n'est pas ça s'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Toi, on ne te demande rien, tu n'étais même pas à l'usine quand c'est arrivé. Elles se sont remises en grève. Oh, pas longtemps, bien entendu. Évidemment, si c'était au retour des vacances, telles que je les connais, elles devaient être plutôt désargentées. Oui, vous ne vous trompez pas, Gérard. La plupart, elles n'avaient pas un sou. Alors, au bout d'une ou deux semaines, la grève a pris fin, lamentablement. Nous les avons toutes reprises, à l'ancien salaire, pas sauf les quatre ou cinq meneuses qui étaient à l'origine de cette histoire. Et c'est moi-même qui me suis chargé de leur dire de déquerpir. Et votre Eva Smith était l'une d'elles. Elle avait parlé trop, beaucoup trop. Fallait donc qu'elle s'en aille. Et vous ne pouviez rien faire d'autre? Ah si, il aurait pu la garder au lieu de l'afficher à la porte. Moi, je trouve ça un peu sournois. Ne dites-moi pas de bêtises. Si l'on ne traitait pas ces gens comme ils le méritent, ils ne tarderaient pas à vous demander le Pérou. Ben, je suis bien de cet avis. C'est possible, mais il vaut souvent mieux demander le Pérou que le prendre. Rappelez-moi votre nom, inspecteur. Goule. G-2-O-L-E. Est-ce que vous vous entendez bien avec le colonel Roberts, notre commissaire principal? Je ne le vois pas beaucoup. Peut-être devrais-je vous prévenir que c'est un vieil ami à moi, et que moi je le vois assez souvent. Il nous arrive fréquemment de jouer ensemble au golf. Je ne joue pas au golf. Bon, j'avais pu penser que vous puissiez y jouer. Mais moi je trouve ça monstrueux. Pardon, que je ne joue pas au golf? Mais non, je parle d'Eva Smith. Pourquoi ces filles n'essaieraient-elles pas d'obtenir des salaires plus élevés? Nous essayons bien de vendre le plus cher possible. Si tu ne raisonnes pas mieux, tu ne seras jamais à même de garder ou de renvoyer qui que ce soit. Il est grand temps que tu apprennes à voir un peu plus sainement et à prendre tes responsabilités. Ce que la vie que tu as menée jusqu'ici semble ne pas t'avoir enseigné. Oh, n'ont pas besoin de raconter tout ça à l'inspecteur. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'en dire davantage à l'inspecteur. Pour moi, je lui ai dit ce que je savais. J'ai renvoyé cette fille et je n'ai jamais plus entendu parler d'elle. Savez-vous ce qui lui est arrivé ensuite? Elle a mal tourné le trottoir. Non, elle n'a pas exactement fait le trottoir. Oh, il me semble que vous avez de drôles de conversations. Oh, pardon, je ne savais pas. Maman va vous demander pourquoi vous ne venez pas au salon. Nous arrivons dans un instant, nous avons terminé. Non, je crains que non. Écoutez, inspecteur, je vous ai dit que je n'avais rien d'autre à ajouter. De quoi s'agit-il? Ça ne te regarde pas, Gladys, n'est-ce pas? Non, un instant, Miss Boring. Inspecteur, je trouve votre attitude nettement déplacée. J'ai bien envie de vous signaler à vos chefs. Je vous ai dit tout ce que je savais. Je ne juge pas cela très important. Et maintenant, il n'y a pas la moindre raison pour que ma fille soit mêlée à cette déplaisante affaire. Quelle affaire? Que se passe-t-il? Je suis inspecteur de police, Miss Burling. Cet après-midi, une jeune femme a avalé le contenu d'un flacon de chlorure de mercure. Et elle est morte ce soir, après plusieurs heures d'agonie. Oh! C'était un accident. Non, non, elle a mis volontairement fin à ses jours. Vous comprenez, elle en avait assez de la vie. Non, mais vous n'allez tout de même pas me dire qu'elle s'est tuée parce que je l'ai envoyée il y a près de 2 ans. Et c'est peut-être ça pourtant qui a été la cause de tout. Tu l'as mise à la porte, papa? Oui. Oui, cette fille avait mauvais esprit. Elle nous a causé des ennuis à l'usine, alors. Mon geste était parfaitement justifié. Non, je pense également. Chez nous, nous aurions fait la même chose. Mais ne faites pas cette tête, Gladys. Je suis désolée, mais je ne peux m'empêcher de penser à cette pauvre fille. Ce suicide affreux. Moi qui étais si heureuse ce soir. Comment était-elle? Très jeune? Oui, 24 ans. Jolie? Elle n'était pas jolie quand je l'ai vue aujourd'hui, mais elle avait été jolie. Très jolie. Ah, j'ai parlé de ça, vous. Réellement, inspecteur, je ne vois pas où tout cela vous mène. Ce qui est important de savoir, c'est ce qu'est devenue cette fille après son départ de l'usine de Mr. Burling. Ben évidemment, c'est ce que j'ai moi-même suggéré il y a quelques instants. Et sur ce point, nous ne pouvons vous être d'aucun secours, nous n'en savons rien. Êtes-vous bien sûr de n'en rien savoir? Inspecteur, est-ce que vous voulez dire par hasard que l'un d'eux sait quelque chose sur cette fille? Oui. Ainsi, vous n'êtes pas venu ici uniquement pour me voir? Non. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? En partie, oui. En ce qui me concerne, je n'ai jamais connu d'Eva Smith. Moi non plus. Eva Smith, c'est comme ça qu'elle s'appelait? Oui. C'est la première fois que j'entends ce nom. Alors, vous savez ce qui est arrivé à cette fille après son départ de mon usine? Oui. Elle est restée pendant 2 mois sans travail. Son père et sa mère étant morts, elle n'avait nulle part où aller. Et elle n'avait pas pu mettre grand-chose de côté avec ce que lui payait Burling et compagnie. De sorte qu'au bout de ces 2 mois, sans travail, sans rente, presque sans amis, sans personne pour l'aider, demi-affamée, elle s'est sentie désespérée. Je n'en doute pas. Oh, Miss Burling. Il y a quantité de jeunes femmes qui mènent ce genre d'existence dans toutes les grandes villes de notre pays. S'il n'y en avait pas, les usines et les fabriques ne sauraient tout trouver de la main-d'œuvre à bon marché. Demandez à votre père. Ces jeunes femmes ne sont pas de la main-d'œuvre à bon marché, ce sont des êtres humains. Mais c'est ce qu'il m'est arrivé de penser parfois. Que lui est-il arrivé ensuite? Bien, elle a eu ce qui lui a paru un merveilleux coup de chance. Elle a trouvé du travail dans un magasin très bien d'ailleurs, chez Millwards. Millwards? C'est là que nous allons. De fait, j'y étais cet après-midi, à cause de vous. Merci, Gladys. À ce que j'ai pu comprendre, elle était enchantée de son nouvel emploi. Ça la changeait agréablement de l'usine. Elle était contente, j'en suis sûr, de vivre au milieu des jolies robes. Et puis, elle avait l'impression d'être repartie du bon pied, enfin. Vous pouvez imaginer ce qu'elle ressentait. Ah ben oui, bien sûr. Je suppose que chez Millwards également, elle s'est attirée de nouveaux ennuis. Oui. Au bout de quelques mois, à l'instant précis où elle se sentait tirée d'affaire, on lui a fait comprendre qu'on ne pouvait plus la garder. On était mécontent d'elle. Oh, il n'y avait absolument rien à lui reprocher. Les gens de chez Millwards sont notre ennemi. Il y avait certainement quelque chose à lui reprocher. Tout ce qu'on a pu lui dire, c'est qu'une cliente s'était plainte d'elle et qu'en conséquence, on ne pouvait plus la garder. Quand était-ce? Fin janvier de l'an dernier. Comment était-elle? Si vous voulez venir ici, je vais vous montrer sa photo. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Elle a reconnu la photo, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi avez-vous mis cet enfant dans un état pareil? Oh, mais je ne l'y ai pas mis, elle s'y est mise elle-même, Isabelle. Enfin, pourquoi? Ben, je ne sais pas. Du moins, pas encore. C'est une chose que je vais tâcher de découvrir. Mais si ça ne vous dérange pas, je vais essayer de le découvrir le premier. Voulez-vous que j'aille lui parler? Non, laissez-moi faire. J'ai un mot à dire à ma femme. Je vais la mettre au courant de ce qui se passe ici. Ce soir, nous avions ici une gentille petite fête de famille. Et vous en avez fait quelque chose de propre. Vous ne croyez pas? Voilà plus ou moins ce que je pensais tout à l'heure en regardant ce qui restait d'Eva Smith. Oui, me disais-je, voilà une jolie petite vie pleine de promesses. Et quelqu'un en a fait quelque chose de propre. Inspecteur, j'aimerais jeter un coup d'œil sur cette photo maintenant. Chaque chose en son temps. Non, écoutez, je ne vois pas pourquoi. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Une seule piste à la fois. Sinon, on parle tous en même temps et on ne sait plus où on en est. Écoutez, moi je commence à en avoir assez, hein. Ah non! Je vous demande pardon, inspecteur. Mais vous comprenez, nous avons fait un bon dîner. Et puis j'ai bu pas mal, alors maintenant j'ai une de ces migraines. Alors comme je suis de trop ici, je crois que je ferais mieux d'aller me coucher. Mais moi je crois que vous feriez mieux de rester ici. Pourquoi ça? Ça vous évitera un dérangement. Si vous alliez vous coucher maintenant, il est possible que vous ayez à vous relever sous peu. Inspecteur, est-ce que vous ne commencez pas à aller un peu fort? C'est possible, mais si vous êtes gentil avec moi, moi je le serai avec vous. Après tout, vous savez, nous sommes des gens respectables et non pas des criminels. Il n'y a pas tellement de différence parfois, vous savez. Et souvent, si ça ne dépendait que de moi, je ne saurais guère départager les uns et les autres. Heureusement, n'est-ce pas, cela ne dépend pas de vous. Non, ça ne dépend pas de moi, mais certaines choses, si. Les enquêtes de ce genre, par exemple. Eh bien, Miss Burling. Vous saviez déjà que c'était moi, n'est-ce pas? Je sentais que c'était possible, en me basant sur certains passages du journal de cette jeune femme. J'ai tout dit à mon père. Il a l'air de penser que cela n'avait guère d'importance. Mais pourtant, sur le moment, je vous assure, je n'étais pas très fière de moi. Et maintenant, j'en suis encore moins fière. Est-ce que ça a été un coup très dur pour elle? Je le crains, oui. C'est le dernier emploi vraiment stable qu'elle ait eu après qu'elle l'ait perdu sans savoir pourquoi. Elle a décidé d'essayer un autre genre de vie. Alors je suis vraiment responsable? Non, vous n'êtes pas entièrement responsable. Vous êtes en partie à blâmer. Comme votre père, d'ailleurs. Mais qu'a donc fait Gladys? Je suis allée trouver la direction et je leur ai dit que s'ils ne renvoyaient pas cette fille, je ne remettrai plus jamais les pieds chez eux et que je persuaderai ma mère de leur retirer sa clientèle. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que j'étais en colère. Mais qu'avait fait cette jeune fille pour vous mettre en colère? J'étais venue essayer une robe. J'avais choisi moi-même. Maman n'était pas d'accord et la vendeuse non plus, mais je m'étais entêtée. Dès que je l'ai eue sur le dos, j'ai bien vu qu'elle avait raison. Cette robe ne m'allait pas du tout. Madame Elzézer Godich. C'était Eva Smith qui avait apporté la robe de l'atelier. Et Miss Francis, la vendeuse, lui ayant demandé quelque chose à son sujet, à cette fille, pour nous montrer ce qu'elle voulait dire, tint la robe devant elle. Et même comme ça, cette robe lui allait parfaitement. C'était aussi évidemment son genre que ce n'était pas le mien. Et en plus, elle était très jolie. De beaux cheveux fins, le grand Dieu. Et cela n'a pas arrangé les choses. Toujours est-il que lorsque j'ai essayé la robe et que je me suis vue, j'ai bien vu qu'elle ne m'allait pas. Alors quand j'ai surpris cette fille, qui souriait à la vendeuse, l'air de lui dire quelle touche elle a, ça m'a rendue furieuse. J'étais très grossière envers elles deux. Je suis allée trouver la direction. Je leur ai dit que cette fille avait été très insolente. Comment pouvais-je me douter de ce qui arriverait ensuite? Si elle avait été laide, simplement sans grâce, je ne crois pas que j'aurais agi ainsi. Elle était très jolie. Elle avait l'air très capable de se débrouiller toute seule. Mais c'est absolument impossible d'avoir pitié d'elle. En somme, on pourrait presque dire que vous étiez jalouse de cette jeune femme. Oui, sans doute. Et vous avez usé du pouvoir que vous aviez en tant que fille d'une bonne cliente et d'une personnalité de Bromley pour punir cette fille de vous avoir fait éprouver ce sentiment. Mais sur le moment, ça ne m'a pas paru une chose bien terrible. Est-ce que vous ne le comprenez pas? Et si maintenant je pouvais faire quelque chose? Mais vous ne le pouvez plus, elle est morte. Quand on y pense, c'est tout de même dégoûtant. Oh, tais-toi, Eric, je sais, mais c'est la première fois où j'ai fait une chose pareille et je ne recommencerai jamais. Mais pourquoi a-t-il fallu que cela arrive? Pourquoi? Eh bien, nous allons essayer de comprendre pourquoi il a fallu que cela arrive. Eva Smith s'est donc trouvée de nouveau son travail. Mais cette fois, elle a pensé qu'il était temps pour elle d'essayer un autre genre de vie. Et elle a pris le nom de Daisy Renton. Quoi? Je dis qu'elle a pris le nom de Daisy Renton. Où est votre père, Miss Verlin? Il est au salon avec ma mère. Eric, emmène l'inspecteur au salon. Alors, Gérald. Alors quoi, Gladys? Où avez-vous rencontré Eva Smith? Ah, nulle part, je ne l'ai jamais vue. Au Daisy Renton, alors c'est la même chose. Et pourquoi voulez-vous que je l'ai rencontrée? Oh, ne soyez pas stupide, vous vous êtes trahi dès qu'il a prononcé son autre nom. Eh bien oui, je l'ai connue. Mais ne parlons plus de ça maintenant, tenons-nous-en là. Oh non, Gérald, nous ne pouvons pas nous en tenir là. Écoutez, voyons, chérie. Non, c'est inutile. Non seulement vous l'avez connue, et vous l'avez même très bien connu. Sinon, vous n'auriez pas un air aussi coupable. Quand avez-vous fait sa connaissance? C'est elle, n'est-ce pas, que vous voyez l'été dernier au moment où moi je ne vous voyais presque jamais. Et vous prétendiez être tellement occupé, n'est-ce pas? Eh oui, bien sûr. Je suis désolé, Gladys. Mais pour moi, l'été dernier, c'était déjà de l'histoire ancienne. Je suis pour rien dans son suicide. Mais c'est ce que je pensais, mon Dieu, il y a une demi-heure. Mais personne n'y est pour rien, vous n'y êtes pour rien. Alors au nom du ciel, n'allez pas raconter ça à l'inspecteur. Que je ne lui parle pas de vos relations avec cette fille. Mais nous pouvons très bien lui cacher. Mais il le sait. Bien sûr, il le sait. Mais j'aime mieux ne pas penser à ce qu'il sait que nous ignorons encore. Mais vous verrez quand il va s'attaquer à vous. Vous verrez. Alors, Mr. Croft. Vous voyez. Que je vous ai dit. Que lui avez-vous dit? Inspecteur, vous devriez dispenser Miss Burling de cet interrogatoire. Elle a eu une journée fatigante, une journée pleine d'émotions. Comme vous savez, nous étions en train de fêter nos fiançailles. Et maintenant, elle est dans... Je suis au bord de la crise de nerfs. Est-ce le cas? Probable. Eh bien, vous pouvez vous retirer, Miss Burling. Je n'ai plus de questions à vous poser. Ah oui, mais vous n'avez pas fini de poser des questions, n'est-ce pas? Non. Vous voyez? Alors je reste. Pourquoi rester si vous devez avoir à entendre des choses désagréables et qui vous feront de la peine? Et vous pensez qu'on devrait épargner aux jeunes filles les choses désagréables qui peuvent leur faire de la peine? Si possible, oui. Alors nous avons tous connu une jeune fille à qui ces choses n'ont pas été épargnées. Je suppose que je récolte ce que j'ai semé. Faites attention de ne pas en récolter davantage encore, Gérald. Ah non, Gladys, non, je ne voulais pas dire que... Pourquoi rester si vous devez le regretter ensuite? Mais rien ne peut être pire pour moi que tout à l'heure. Et il vaut mieux que je reste. Ah oui, oui, je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Oui, vous êtes passé sur le grill et maintenant vous voulez voir quelqu'un y passer. Ben, si c'est là ce que vous pensez de moi. Oh, vraiment, vous me prêtez de bons sentiments, Gérald. Enfin, je suis heureuse de m'en être aperçue à temps. Oh non, Gladys, je ne voulais pas... Mais si! Et si vous m'aviez aimé, vous n'auriez pas pu dire ça. Vous avez écouté ma jolie petite histoire. Oui, j'ai fait renvoyer cette fille de chez Milwartz. Là-dessus, vous en avez conclu que je devais évidemment être égoïste et rancunière. Non, je suis désolée. Oh oui, mais vous ne me croyez pas. Vous avez vraiment mal choisi votre maman pour ne pas me croire. Un instant, Miss Burling. Je vais vous dire pourquoi Miss Burling désire rester. Elle se sent responsable. Et si elle partait maintenant sans en entendre davantage, elle aurait le sentiment d'être entièrement à blâmer. Elle resterait seule avec sa responsabilité, ce soir, demain, la nuit prochaine, toute la vie. Oui, c'est ça. Je ne peux pas croire que c'est simplement ma faute si finalement elle s'est tuée. Ça serait trop horrible. Oh, vous savez, vous êtes quelqu'un d'assez incompréhensible. Il n'y a pas de raison que vous compreniez. Je ne m'y connais guère en inspecteur de police. Mais tous ceux que j'ai rencontrés n'étaient pas du tout comme vous. En quelque sorte, c'est dommage, n'est-ce pas? Oui. Et c'est ce qu'il y a d'étrange. J'allais presque dire quelque chose de ce genre. Les autres n'étaient pas comme vous, mais peut-être auraient-ils dû l'être. Mais c'est comme si enfin il en était venu un vrai. Vous le croyez? Oui. Bonsoir, inspecteur. Je suis Mrs. Burling. Bonsoir, madame. Mon mari vient de m'apprendre la raison de votre présence ici. Et quel que soit mon désir de vous aider, je ne crois pas que nous puissions vous être d'un grand secours. Ah non, maman, je t'en prie. Quoi, qu'y a-t-il, Gladys? Je sais que ça a l'air idiot. Mais quoi? Tu comprends, j'ai l'impression que tu commences tout de travers. Et je crains que tu ne dises ou que tu ne fasses quelque chose que tu regretteras ensuite. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Oh, nous avons tous commencé comme ça, tellement sûrs de nous, tellement contents de nous-mêmes. Jusqu'au moment où il s'est mis à nous poser des questions. Vous semblez avoir fait une grande impression sur cet enfant, inspecteur. Nous faisons souvent une grande impression sur les gens jeunes. Ils sont plus impressionnables. Tu es là fatigué, chérie. Je trouve que tu devrais aller te coucher et ne plus penser à cette histoire. Demain matin, tu te sentiras mieux. Non, maman, il me serait impossible de m'en aller. Je resterai jusqu'à ce que je sache pourquoi cette malheureuse s'est tuée. C'est tout bonnement chez toi une curiosité morbide. Non, je t'assure. Et je te prie de ne pas me contredire ainsi. De toute manière, je ne suppose pas un seul instant que nous puissions jamais comprendre pourquoi cette fille s'est suicidée. Les personnes de cette classe... Non, non, maman, je t'en prie, pour ton bien que pour le nôtre, il ne faut pas... Il ne faut pas que quoi? Vraiment, Gladys? Il ne faut pas que tu essaies de bâtir une sorte de mur entre nous et cette malheureuse. Si tu fais l'inspecteur, le jettera pas d'une pichenette. Et cela n'arrangera pas les choses, je te le garantis. Je ne te comprends pas. Vous la comprenez, vous? Oui, et elle a raison. Pardon? Dis oui, je la comprends, et elle a raison. Je considère ceci comme un tantinet impertinent, inspecteur. Oh! À quoi, qu'y a-t-il encore, Gladys? Oh, je sais pas. Mais je t'en supplie, arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ah, si tu veux dire que l'inspecteur va se vexer... Non, non, c'est moi, rien ne me vexe jamais. Ah, je suis heureuse de l'apprendre. Et je suis forcée d'ajouter que c'est plutôt nous qui aurions des raisons de nous vexer. Oh, monsieur Fleming, vous en prie, laissons ces questions de susceptibilité en dehors de tout cela. Ah, je crois que nous ferions mieux, oui. Moi aussi. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, c'est moi qui parle à l'inspecteur. Je me rends parfaitement compte que vous avez amené ici une sorte d'enquête. Mais je dois dire que jusqu'à présent, vous semblez le faire d'une manière aussi particulière que choquante. Vous n'ignorez pas, bien entendu, que mon mari a été maire de Bromley. Mrs. Burling, l'inspecteur sait tout cela. Je ne crois pas qu'il soit très judicieux de le lui rappeler. C'est de la folie. T'as raison. Vraiment? Oui, Mr. Burling. Et il va revenir dans un instant. Il est en train de parler à mon fils Eric, qui semble ce soir dans un état de nerfs absurde. Qu'a-t-il donc? Oh, rien. Il a peut-être un peu trop bu ce soir. N'a-t-il pas l'habitude de boire? Oh, non, bien sûr que non. Ce n'est qu'un enfant. Oh, non. Non, c'est un jeune homme. Et certains jeunes gens boivent beaucoup trop. Et Eric, il a deux. Ça fait 2 ans qu'il boit trop avec régularité. Et c'est le moment que tu choisis pour m'apprendre cela? J'ai essayé de persuader Eric d'aller se coucher, mais il ne veut rien entendre. Et puis il prétend que c'est vous qui lui avez dit de ne pas se coucher, est-ce vrai? Oui. Pourquoi cela? J'ai encore à lui parler. Écoutez, il faut qu'il attende son tour. Tu vois? Non, je ne vois pas. Et je te prie de te taire, Gladys. Écoutez, inspecteur, je vous ai déjà dit que je n'aimais ni votre ton ni la façon dont vous produisez cette enquête. Et je n'ai pas l'intention de vous laisser faire plus longtemps. Je n'ai pas besoin de votre permission. Mais non, c'est lui qui nous laisse faire, pour que nous nous enferions nous-mêmes. Mais quel donc cet enfant? Elle est à bout de nerfs et elle refuse de s'en aller. Eh bien, parlez. Qu'est-ce que vous désirez savoir? À la fin septembre de l'an dernier, Eva Smith a donc quitté Milwaukee après que Miss Burling a forcé la direction à la renvoyer. N'est-ce pas? Et c'est alors que, cessant d'être Eva Smith et de chercher du travail, elle devint Daisy Renton, quelqu'un qui avait d'autres idées en tête. Quand l'avez-vous rencontré pour la première fois, Mr. Croft? Hein? Où avez-vous pris que je la connaissais? C'est inutile, Gérald, de vous perdre votre temps. Dès que j'ai mentionné le nom d'Eva Smith devant vous, il a été évident que vous la connaissiez. Vous vous êtes trahi sur le champ. Oh, bien sûr qu'il s'est trahi. Oui, d'ailleurs, je le savais déjà. Quand et où l'avez-vous rencontré pour la première fois? Très bien, puisque vous y tenez. Je l'ai rencontré pour la première fois un jour de mars l'an dernier. Dans un bar. Quel bar? Le bar du Palace. Je croyais que le bar du Palace était un endroit où les gens bien de Bromley ne mettent jamais les pieds. Effectivement, je vous remercie de souligner. Je vois que vous vous disposez à vous montrer pleine de compréhension. Vous ne croyez pas que vous feriez mieux de vous retirer? Non, car je tiens exactement à savoir ce qui se passe. Quand un homme prétend avoir tellement de travail à son usine qu'il peut à peine trouver un instant pour venir voir la jeune fille dont il est censé être amoureux. Je ne raterai pas ça pour un empire. Laissez-vous, je vous en prie. Donc, au Palace. Oui. Je suis allé au Palace un soir par hasard après une journée de travail longue et ennuyeuse. Comme le spectacle n'était pas fameux, je suis allé au bar prendre un verre. C'est le lieu de prédilection des femmes de Bromley. Des femmes de Bromley? Des prostituées, Mrs. Burling. Oh! Mais enfin, ici, à Bromley. Oh, Mrs. Burling, Bromley est une des villes de ce pays où la prostitution est le plus développée. Oui, oui, oui. C'est hélas vrai. Je ne vois pas la nécessité de parler de cela spécialement devant ma fille. De toute manière, il serait préférable que Gladys n'écoute pas cette sordide histoire. Mais tu oublies, maman, que je suis censée être fiancée au héros de cette sordide histoire. Continuez, Gérald. Donc vous êtes allé dans le bar qui est le lieu de prédilection des femmes de Bromley. Je suis heureux de vous amuser. Alors, que s'est-il passé, Mr. Croft? Mais je n'avais pas l'intention de rester très longtemps dans cet endroit. Quoi que vous puissiez en penser, Gladys, j'ai horreur du genre de personnes que l'on y rencontre. Mais c'est alors que je remarquais une jeune femme qui avait un air différent des autres. Elle était très jolie. Elle avait de beaux cheveux bruns, de grands yeux. Mon Dieu, qu'avez-vous? Je viens soudain de réaliser que maintenant elle est morte. Oui, elle est morte. Mais probablement nous l'avons tuée à nous tous. Ne dis pas d'absurdité, Gladys. Continuez. Cette fille était jeune et jolie et tout à fait déplacée dans cet endroit. Manifestement, elle ne s'amusait pas. Le vieux Joe McGarty, à moitié ivre, l'avait coincée dans un angle avec son gros ventre obscène. Ces détails répugnants sont inutiles. Et sûrement, vous ne voulez pas passer parler de l'alderman McGarty. Mais si Joe McGarty est un débauché notoire en même temps qu'elle est pire ivrogne de Bromley. Oh! Rigoureusement exact. L'alderman McGarty? Eh bien, décidément, ce soir, nous apprenons de drôles de choses. Tu trouves? Mais en ce qui concerne cet affreux McGarty, tout le monde est au courant. Continuez. Cette fille a vu que je la regardais. Et elle m'a lancé un coup d'œil qui était tout bonnement à l'appel au secours, alors je suis allé vers leur table. Puis j'ai dit à Joe McGarty que le barman, ou je ne sais plus qui, avait un message pour lui. Enfin, je l'ai écarté. Et puis j'ai dit à cette jeune femme que si elle en avait assez de ce genre de choses, mieux valait qu'elle me laisse l'emmener dans un autre endroit. Elle fut tout de suite d'accord. Où êtes-vous allé? Au bar du County Hotel, où je savais qu'à cette heure de la nuit, il n'y aurait pas grand monde. Nous avons bavardé. Elle avait envie de parler avec quelqu'un, un peu de sympathie. J'ai tout de suite compris que les avances de Joe McGarty l'avaient quelque peu bouleversée. Et vous lui avez... Elle vous a parlé d'elle? Ben oui, je lui ai posé des questions. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Desi Renton, qu'elle avait perdu son père et sa mère, et qu'elle était de quelque part aux environs de Bromley. Je n'ai pas pu obtenir de détails très précis sur son passé. Elle avait envie de parler d'elle. Elle sentait que j'éprouvais de l'intérêt et de la sympathie. La seule chose qu'elle laissa échapper, encore que sans le faire exprès, c'est qu'elle était très gênée et que ce soir-là même, elle avait carrément faim. Évidemment, je lui commandais à souper. Oui, évidemment, c'est ce soir-là qu'elle devint votre maîtresse. Quoi? Bien sûr, c'était évident dès le début. Continuez, Gérard. Non, je découvris deux soirs plus tard, quand nous nous revîmes, qu'elle n'avait plus un sou et qu'elle était sur le point d'être mise à la porte de son logement. Un ami à moi venait de partir pour le Canada, m'avait laissé les clés de son appartement. J'insistais auprès de Daisy pour qu'elle s'y installât. Je la forçais à accepter un peu d'argent. Elle me faisait de la peine. Et l'idée qu'elle allait sans doute être obligée de retourner au bar du palace m'était désagréable. Je ne lui demandais rien en retour. Je comprends. Oui, mais pourquoi est-ce à lui que vous dites cela? C'est à moi que vous devriez le dire. Je suis désolé, Gladys. Je suppose que... En quelque sorte... Non, enfin, elle devint néanmoins votre maîtresse. Mais c'était inévitable! Elle était jeune, jolie, affectueuse, intensément reconnaissante. Et puis, vous savez, j'étais devenu en un soir la personne la plus importante de sa vie, vous comprenez? Étiez-vous amoureux d'elle? Exactement ce que j'étais sur le point de demander. C'est difficile à dire. Je n'éprouvais pas pour elle les mêmes sentiments que ceux qu'elle éprouvait pour moi. Bien sûr, vous étiez le magnifique prince charmant. Vous avez dû adorer cela, Gérald. Oui. Oui, Gladys, un certain temps. Mais vous savez, presque tous les hommes en auraient fait autant à ma place. C'est probablement là ce que vous avez dit de mieux ce soir. Du moins, sonnette. Passiez-vous toutes vos soirées avec elle? Non. Non, quand je vous disais à l'époque que j'avais beaucoup de travail à l'usine, ce n'était pas entièrement un mensonge. Mais évidemment, je la voyais pas mal. Je ne crois pas que nous tenions à avoir plus de détails sur cette répugnante affaire. Moi, j'y tiens. De toute façon, nous n'avons pas encore eu de détails. Et vous n'en aurez aucun. Et puis, vous savez, il n'y a rien de répugnant dans tout cela. Pour moi, c'est répugnant. Oui. Mais toi, après tout, ça ne te touche que d'assez loin, n'est-ce pas? Y a-t-il autre chose que vous devriez savoir? Que vous désiriez savoir? Oui. Quand cette liaison a-t-elle pris fin? La première semaine de septembre. Je devais m'éloigner pour affaires. Daisy sentait que la fin approchait. J'ai préféré rompre avant de partir. Et comment a-t-elle pris ça? Mieux que je ne l'avais espéré. Elle a été très courageuse. Vous avez dû vous en féliciter. Non. Oh non, ne le croyez pas. Elle ne m'a fait aucun reproche, j'aimerais tellement maintenant qu'elle m'en eût fait. Peut-être me sentirais-je plus à l'aise en y repensant. Enfin, je ne l'ai jamais revue. C'est là tout ce que je peux vous dire. Et c'est également tout ce que je voulais savoir. Alors dans ce cas, inspecteur, puisque je suis plutôt plus bouleversé que je n'en ai l'air par cette histoire, j'aimerais que vous me donniez la permission de m'en aller. Vous en allez? Où ça, chez vous? Non, juste sortir, faire quelques pas. Je reviendrai, si vous voulez. Allez, Monsieur Croft. Mais au cas où vous oublieriez ou décideriez de ne pas revenir, je pense, Gérald, que vous feriez mieux de reprendre ceci. Oui. Enfin, je m'attendais à cela. Je ne vous déteste pas comme il y a une demi-heure. Et même assez bizarrement, je vous respecte plutôt davantage que je ne l'avais jamais fait auparavant. Mais vous et moi ne sommes plus les mêmes que ceux qui avons dîné à cette table. Il nous faudrait tout recommencer. Faire de nouveaux connaissances. Écoute, Gladys, je ne veux pas le défendre, mais tu dois comprendre que beaucoup de jeunes gens... Papa, je t'en prie, ne te mêle pas. Gérald, c'est ce que je veux dire, et toi, apparemment, tu ne le sais pas. Oui, Gladys, je sais ce que vous voulez dire. Je reviendrai si je peux. Eh bien, moi, je ne comprends pas. Enfin, j'espère que nous sommes tout de même arrivés au bout de cette lamentable histoire. Je ne le crois pas, Mrs. Burling. Non, je ne le crois pas. Excusez-moi. Vous savez, inspecteur, vous ne lui avez même pas montré la photo de cette jeune femme. Non, ce n'était pas nécessaire. Vous avez la photo de cette fille? Oui. Et je crois que vous feriez bien d'y jeter un coup d'œil. Si vous y tenez. Vous la reconnaissez? Non. Pourquoi voudriez-vous que je la reconnaisse? Évidemment, elle peut avoir changé dernièrement, mais enfin, je ne crois pas qu'elle ait pu changer à ce point. Je ne vous comprends pas, inspecteur. Vous voulez dire que vous ne voulez pas comprendre, Mrs. Burling? J'ai voulu dire ce que j'ai dit. Vous ne me dites pas la vérité. Pardon. Écoutez, inspecteur, je ne te lairai pas. Plus longtemps, vous allez vous excuser sur le champ. Excuser de quoi? De faire mon devoir? Non, mais de le faire avec une telle grossièreté. Je ne suis pas n'importe qui, inspecteur. Oh, les gens qui ne sont pas n'importe qui ont des responsabilités en même temps que des privilèges. Possible. On ne vous a pas envoyé ici pour me parler de mes responsabilités. Espérons que non. Bien que je commence à me demander... Qu'est-ce que cela signifie? Tu prétends ne pas reconnaître Eva Smith sur cette photo. Mais je sais bien, moi, que tu l'as reconnue. Et si tu ne dis pas la vérité, pourquoi l'inspecteur devrait-il s'excuser? Encore cette porte? C'est Gérald qui a dû revenir. À moins que ce ne soit votre fils qui vient de sortir. Je vais voir. Mrs. Burling, vous êtes membre, un membre éminent, de l'organisation charitable des Dames de Bromley, n'est-ce pas? Mais allons, maman, pourquoi refuser de répondre? Oui, elle en fait partie, pourquoi? C'est une organisation à laquelle les femmes dans le besoin peuvent s'adresser pour obtenir un secours sous diverses formes, n'est-ce pas? Oui. Et nous avons fait beaucoup pour assister des personnes méritantes. Il y a 2 semaines, il y a eu réunion du comité consultatif, n'est-ce pas? Je crois que oui. Vous savez très bien que oui, Mrs. Burling. Vous présidiez. Et même si cela était, en quoi cela vous regarde-t-il? Voulez-vous que je vous le dise sans périphrase? C'est certainement Eric que nous avons entendu sortir. Tu es monté dans sa chambre? Oui, j'ai même appelé sur les 2 paliers. C'est insupportable. Mais où a-t-il bien pu aller? Ah, ça, je suis incapable de te le dire. Il est dans une de ces humeurs bizarres. Et bien que nous n'ayons pas besoin de lui. Pardon, nous avons besoin de lui, au contraire. S'il n'est pas bientôt de retour, il faudrait aller à sa recherche. Il a dû sortir pour prendre l'air, il ne va pas tarder à rentrer. J'espère. Et pourquoi cela, s'il vous plaît? Je vous l'expliquerai plus tard, quand vous aurez répondu à mes questions. Y a-t-il une raison particulière pour que ma femme ait à répondre à vos questions, inspecteur? Oui, et une très bonne. Vous vous rappelez que Mr. Croft nous a dit que, depuis septembre dernier, il n'avait pas revu Eva Smith, n'est-ce pas? Mais Mrs. Burling l'a vue, elle. Et elle lui a parlé. Maman! C'est vrai? Oui, c'est vrai. Elle est allée demander un secours à votre comité, n'est-ce pas? Oui, et elle s'est montrée très insolente. Comment ça? Eh bien, d'abord, elle a refusé de dire son nom. Ce n'est qu'après avoir appris que nous tenons à savoir à qui nous faisons la charité qu'elle a consenti à se nommer. Et alors, elle a dit qu'elle s'appelait Mrs. Burling. Mrs. Burling? Oui. Oh, ce n'était là qu'un échantillon de sa grossière impertinence. Ah, il ne m'a pas fallu longtemps pour lui arracher la vérité, ou une partie de la vérité. Mais est-ce sur votre intervention que le comité lui a refusé un secours? C'est possible. Non, mais répondez par oui ou par non. Ben oui, ce fut sur mon intervention. Sa manière m'avait déplu, je vous le répète. Elle dut admettre, après que j'eus commencé à la questionner, que non seulement elle n'avait aucun droit à notre nom, mais encore qu'elle n'était même pas mariée. Et que l'histoire qu'elle avait racontée au début au sujet d'un mari qui l'avait abandonnée était rigoureusement fausse. Ah oui, je lui ai bien fait cracher la vérité. Mais pourquoi venait-elle demander un secours? Vous le savez très bien. Mais non, je ne le sais pas. Je sais qu'elle avait besoin d'aide, mais comme je n'étais pas là, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je ne trouve pas nécessaire d'en parler. Non, mais renoncez à l'espoir de ne pas en parler, Mrs. Burling. Si vous croyez pouvoir m'intimider, inspecteur, vous vous trompez du tout au tout. Je n'ai rien fait dont j'ai honte et qui ne supporte pas l'investigation. Cette fille sollicitait un scoop. On nous prie d'examiner très attentivement les demandes qui nous sont faites. Les raisons qu'elle m'a données ne m'ont pas convaincue. Elle ne m'a pas paru un cas intéressant. J'ai donc usé de mon influence pour qu'un refus lui soit opposé. Et en dépit de ce qui lui est arrivé ensuite, je considère que je n'ai fait que mon devoir. Ainsi, si je désire ne pas parler davantage de cette affaire, c'est en vain que vous essayerez de me faire changer d'idée. Et d'ailleurs, vous n'essayerez même pas, car je n'ai rien fait de mal, et vous le savez. Mais je crois au contraire que vous avez fait quelque chose de terriblement mal. Et que vous allez le regretter toute votre vie. Je voudrais que vous ayez été avec moi ce soir à l'hôpital. Vous auriez vu... Non, je vous en prie, je ne me le suis déjà que trop représenté. Il y a la prochaine fois que vous vous la représenterez. Rappelez-vous en outre que cette jeune femme allait avoir un enfant. Oh, comment a-t-elle pu vouloir se tuer ? Oh, tout simplement parce que la vie l'avait déjà trop malmenée. Cette maternité, pour elle, ça a été la fin. Maman, elle te l'a certainement dit. C'est parce qu'elle allait avoir un enfant qu'elle est allée demander un secours à votre mère. Dites-moi, le père n'était pas... Gerald Croft? Non. Ah. Non, lui n'a plus rien à voir là-dedans, rassurez. Eh bien, vous n'avez rien d'autre à ajouter, n'est-ce pas? Si. Je vais vous dire ce que j'ai dit à cette fille. Allez chercher le père de l'enfant, c'est lui le responsable. Mais ça ne diminue pas votre responsabilité, Mrs. Burling. Allez, venez vous demander une aide. À un moment où nulle autre femme ne pouvait en avoir autant besoin. Et non seulement... Vous lui avez refusé cette aide, mais vous avez fait en sorte que les autres la lui refusent. Elle était là seule, sans le sou, désespérée. Elle avait besoin non seulement d'argent, mais de conseils, de sympathie, d'amitié. Vous avez eu des enfants, Mrs. Burling. Vous devez avoir su ce qu'elle ressentait, et vous lui avez claqué la porte au nez. Maman, maman, je trouve ton geste cruel et vil. Je dois dire, Sybille, que lorsqu'on apprendra ces détails à l'enquête, nous risquons de ne pas faire très belle figure. Oui, la presse pourrait s'en parler. Ah, assez, vous deux. Et je vous prie de vous rappeler avant de commencer à m'accuser que ce n'est pas moi qui ai fait perdre son emploi à cette fille. Ce qui probablement est à l'origine de tout. Cette fille nous avait raconté un tas de mensonges. Ensuite, quand je suis enfin arrivée à la vérité, j'ai découvert qu'elle savait qui était le père de l'enfant, qu'elle en était tout à fait certaine. Je lui ai donc dit que c'était son affaire à elle de faire endosser à cet homme ses responsabilités. Et s'il ne voulait pas l'épouser, et à mon avis, on devait le forcer, il devait au moins pourvoir à l'entretien de la mère et de son enfant. Mais qu'a-t-elle répondu ? Oh, état d'ineptie. Mais encore ? Oh, elle prenait de grands airs, elle invoquait de beaux sentiments et des scrupules compliqués qui étaient tout à fait déplacés chez une personne dans sa position. Sa position, à présent, est d'être étendue sur une dalle. Oh, assez ! Écoutez-vous, hein, je vous prie de vous tenir tranquille. Comment ça va par-dessus la tête de vous tous ? Qu'a-t-elle dit ? Eh bien, elle a dit que le père était un tout jeune homme. Il ne pouvait pas être question pour elle de l'épouser, que ce serait une erreur pour eux deux. Il lui avait donné de l'argent, mais elle ne voulait plus recevoir un sou de lui. Pourquoi ça ? Pour des raisons extravagantes dont je n'ai pas cru un mot. Non, je ne me demande pas si vous avez cru, si vous ne l'avez pas cru. Je vous demande quelle raison elle vous a donnée. Son explication ne tenait pas debout. Comme si une fille de cette sorte refusait jamais de l'argent. Écoutez, Mrs. Burling, vous êtes en train d'aggraver votre position. Je vous demande pour quelle raison elle a refusé cet argent de ce garçon. Eh bien, elle prétendait que son amant avait dit quelque chose une nuit où il était ivre, qui lui avait donné l'idée que l'argent n'était pas à lui. Et d'où le tenait-il ? Il l'avait volé. Ainsi, elle est venue vous demander un secours parce qu'elle ne voulait plus accepter de l'argent volé. Oui, c'est ce qu'elle a prétendu finalement. Et pour empêcher que ce jeune homme ne vole de nouveau, n'est-ce pas ? C'est possible, mais cela m'a paru absurde et peu plausible. J'ai donc été parfaitement justifié de dire à mon comité de lui refuser un secours. Et maintenant que vous savez ce qui est arrivé, est-ce que vous ne le regrettez pas ? Non, je regrette qu'elle ait dû finir aussi horriblement, mais je n'accepte aucun blâme à ce sujet. Mais qui est à blâmer, selon vous ? Qu'est d'abord cette fille elle-même ? On ne Après avoir laissé papa et moi lui faire perdre sa place. Ensuite, je blâme le jeune homme, qui est le père de l'enfant qu'elle attendait. Et si elle, ça n'avait pas été à cause de lui, on ne lui aurait jamais refusé un scoop. Alors, d'après vous, c'est lui le principal coupable. Oh, certainement. Non, non. Reste tranquille, Gladys. Non, ça te voit donc pas. Oh, décidément, Gladys, ce soir, tu te conduis en fille insupportable. Oui, ce jeune homme devrait être très sévèrement puni. Et si au lieu de rester là à poser des questions tout à fait inutiles, vous faisiez votre devoir pour le retrouver et lui faire confesser publiquement sa faute, alors là, vraiment, vous feriez votre métier. Rassurez-vous, madame, je ferai mon métier. Ah, je suis heureuse de l'apprendre. Pas question d'étouffer l'affaire, hein? Il faut que ce jeune homme serve d'exemple. Hein? Qu'on le force à confesser publiquement sa responsabilité. Parfaitement. Je considère cela comme votre devoir. Et maintenant, sans nul doute, vous désirez prendre congé. Pas encore. J'attends. Mais vous attendez quoi? Le moment de faire mon devoir. Maman, tu ne comprends pas maintenant? Écoutez, inspecteur, vous n'êtes pas en train d'essayer de nous dire que mon fils, Eric, est mêlé à ça. S'il l'est, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Mrs. Burling vient de nous le dire. Je ne le crois pas. Je refuse de le croire. Maman, je t'ai supplié de te taire.